Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. L'arbitrage vidéo dans le foot, c'est bête comme chou. Il suffit de filmer ce qui pose problème dans un match de foot. Oui, mais alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Reprenez mes conférences de presse avant l'utilisation de la VAR et vous verrez ce que je vous avais dit. Et on est en plein dedans. Parce que c'est toujours à l'interprétation de l'homme, finalement. Donc ça change rien pour moi. Oui, ça a réglé quelques problèmes sur des choses. Mais finalement, on se rend compte... Rien que ce week-end, il y a 3 erreurs. Enfin, il n'y a pas 3 erreurs. Il y a 3 interprétations différentes qui font prendre 3 décisions différentes. Alors, c'est juste ça. Et c'est pas critiquer l'arbitrage. C'est juste qu'à un moment donné, il faudrait que toutes les décisions soient uniformes ou uniformisées. Je sais pas comment on dit. Mais soit il y a faute, soit il n'y a pas faute. Mais on peut pas me dire qu'on ne siffle pas pénalty parce que la faute n'est pas intentionnelle et refuser un but sur une faute qui ne l'est pas le dimanche soir. Voilà. Donc, quelle est la vérité entre ces deux? Où est la justesse de la décision prise par l'arbitre? Vous venez d'entendre Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui exprime son opinion sur l'utilisation de l'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo, autrement dit, la VAR. Et nous recevons Jacques Blosiszewski. Bonjour, Jacques Blosiszewski. Bonjour. Vous êtes amateur de foot, auteur, et vous publiez, Jacques, un ouvrage fortement hostile au VAR, arbitrage vidéo, comment la FIFA tue le foot. Alors pour moi qui n'y connais rien, Jacques Blosiszewski, je me dis que c'est une très bonne chose d'utiliser l'arbitrage vidéo parce que on va filmer les faits qui peuvent poser problème et donc on aura la preuve que quelque chose a été commis ou pas. Oui, mais le problème c'est que cette possibilité de preuve qui existe, qui est réelle dans certains cas, elle se paye très cher, c'est-à-dire que l'application de la VAR a toutes sortes d'effets négatifs. Si on se contente de dire là on a la preuve donc on va pouvoir vérifier et tout ira bien, bien sûr si on s'arrête là alors tout se passe bien et vive la VAR. Mais la VAR interrompt les matchs, la VAR démultiplie les possibilités d'interprétation. La VAR pose énormément de problèmes par rapport à la responsabilité des arbitres parce qu'ils sont sans arrêt tentés d'utiliser les images, c'est-à-dire qu'ils se déresponsabilisent. Et donc vous avez comme ça une série d'effets qui se concrétisent de façon très très précise. Par exemple, on peut dire que le Paris Saint-Germain a été éliminé par la VAR. Eh ben, vous allez m'expliquer pourquoi. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que la VAR crée des décisions automatiques, si vous voulez. Elle crée une espèce de mécanisation de la vérification. Et donc, l'interprétation se démultiplie à l'infini. Mais surtout, la VAR crée une tentation de généraliser. Dès qu'on a repéré quelque chose, on considère qu'on doit en tenir compte. Alors que l'arbitre, il avait une souplesse d'interprétation qu'il a de moins en moins. La main de Kimpembe contre Manchester, c'est une main qui n'est pas une main. Il saute, il se retourne, et il voit même pas le ballon arriver. Donc, mais aujourd'hui, il y a une extension de la notion de faute de main qui est due à la VAR. C'est-à-dire que la VAR mécanise en quelque sorte voilà. Les interprétations? Absolument, absolument. Si vous voulez, c'est comme si on était tellement content d'avoir repéré quelque chose qu'on considère qu'on est absolument obligé d'en tenir compte. Et du coup, la VAR, elle influe sur le type de faute. Elle crée à la limite de nouvelles fautes. Alors, quelles sont les illustrations justement de cette règle? Donnez-nous des exemples. Parce que moi, je suis resté sur la Coupe du Monde. Et oui. Pour la Coupe du Monde, on disait que la VAR était plutôt une réussite. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, moi, ça fait depuis que je m'occupe de ce sujet, ça fait plus de 20 ans, oui, hein, bon, pas seulement de ça, heureusement, mais plus de 20 ans. On me disait, j'entendais tout le temps, mais vous rendez compte, en finale de Coupe du Monde, s'il y a un but qui est refusé à tort, et si, parce qu'on n'a pas la vidéo, ça va être monstrueux, etc. Or, qu'est-ce qui s'est passé à France-Croatie? On a eu 2 buts français qui ont été accordés après vérification par la VAR, et ces 2 buts-là, ils posent tous les 2 problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient de problématique, ces buts? C'est-à-dire que le penalty, le deuxième but français qui a été sifflé, il a été sifflé sur une main de Perišić que l'arbitre n'avait pas vu. Hein. Donc, on a regardé les images, le ralenti, même le super ralenti. Et là, on a vu qu'effectivement, Perisic touchait le ballon de la main et mettait la balle en corner. Mais on n'a pas dit, on n'a pas essayé de déterminer si cette faute était intentionnelle ou pas. Or, c'est bien ça qui compte. Si la balle ricoche sur vous, comme c'était le cas pour Kimpembe à PSG Manchester, ou si vous déviez la balle de la main, comme ça a été le cas pour Perisic, mais que vous ne l'avez pas voulu, que c'est la balle qui vient sur vous et que vous effectivement la balle touche la main, c'est pas forcément un pénalty. Or, l'arbitre a sifflé pénalty. Et sur le premier but français, il y a une faute sur Griezmann qui est sifflée, et quand on regarde le ralenti, la faute, elle est très, très discutable, si vous voulez. On peut aussi bien juger que Griezmann, il a simulé, qu'il y a eu véritablement faute. Bon, mais la question, dans ce cas-là, c'est la question de la subjectivité de l'arbitre, parce que tant qu'on n'automatisera pas, je ne sais pas moi, avec des robots, je ne sais pas ce qui pourrait être utilisé, Jacques Blosiszewski, mais aujourd'hui, finalement, ce que vous incriminez là, c'est le jugement de l'arbitre. Il n'y a pas d'objectivité de l'image. Voilà. L'image, ça n'existe pas. L'image peut donner, enfin, l'objectivité de l'image n'existe pas. Ça peut de temps en temps donner des indices, parce que, mais tous les spécialistes de l'image le savent. Ça, il n'y a qu'au foot qu'on ne sait pas. Hein. Tous les spécialistes de l'image le savent. Une image, ça s'interprète. C'est-à-dire qu'on ne la prend pas au pied de la lettre, sauf dans quelques cas. Parce qu'il est évident que, bon, d'abord la manipulation des images, et avant l'image animée, il y avait la manipulation des photos, hein, on faisait disparaître des hommes politiques parce que ça gênait, etc. Elles ont toujours été manipulées, les images. Hein. Mais aujourd'hui, on a toujours la nécessité d'interpréter les images, sauf qu'aujourd'hui, on les interprète non plus simplement avec la décision de l'arbitre, mais avec les images de télévision, qui sont des preuves assez médiocres. Dans certains cas, quand une balle, par exemple, a franchi la ligne, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle la goal line technologie, en bon français, la technologie sur la ligne de but, là, on a un système qui n'est pas vraiment de l'image animée, c'est un système très complexe de caméras numériques, mais qui transmet instantanément la décision sur la montre de l'arbitre, en une seconde. Là, il n'y a pas besoin de délai, il n'y a pas besoin de temps. Et là, c'est incontestable, c'est-à-dire que c'est incontestable. Jacques Blosiszewski, si par exemple en 2009, quand Thierry Henry a fait sa main contre l'Irlande, si on avait eu l'arbitrage vidéo, tout aurait été plus simple? Ça aurait été tout simple, sauf qu'on ne peut pas avoir l'arbitrage vidéo juste pour une action de temps en temps. Si vous avez l'arbitrage vidéo, il faut l'arbitrage vidéo tout le temps. C'est-à-dire que ça impliquait de toute façon qu'on mette au point des processus précis pour la totalité de l'arbitrage vidéo, hein, et de la totalité des matchs. C'est ce qu'on a fait maintenant, et on constate que ça marche mal. Et alors, je continue. À l'Euro 96, le Roumain Munteanu a été dans la situation de se voir refuser un but parce que la balle avait bondi de quelques 30 cm derrière la ligne. Là aussi, ça aurait été très utile. Oui, alors là, bah, aujourd'hui, ce serait résolu puisqu'on a, on a cette fameuse technologie sur la ligne de but. Donc ça, ça relèverait de la technologie sur la ligne de but. Et aujourd'hui, le but serait accordé. Le fameux but de Lampard à Allemagne-Angleterre en 2010, c'est pareil, le but aurait été accordé. Mais ça, c'est pas vraiment de l'arbitrage vidéo. Il faut faire la différence entre la VAR et la goal line technologie. C'est pas la même chose. Hein. Le coup de boule de Zidane, ça aurait changé quelque chose? Alors, le coup de boule de Zidane, c'est une histoire absolument folle, quoi. Parce que je l'ai raconté dans mon premier livre. Parce qu'en fait, c'est le quatrième arbitre du match qui a vu sur un écran vidéo. On est sûr à 98%. Hein. La FIFA veut jamais le reconnaître parce qu'à l'époque, c'était interdit de faire ça. On n'avait pas la VAR n'existait pas. Donc, ça devait être en vision directe. Voilà, c'est l'arbitre qui devait directement décider. Or, l'arbitre, il a rien vu. Il était, ça s'est passé dans son dos, donc il a rien vu. Il était complètement sur autre chose. Mais nous, on a vu. Avec beaucoup de chance, figurez-vous, parce que c'était une caméra isolée sur Zidane. Donc, ça a été vu presque par hasard. Et donc, faut pas croire que la télévision voit absolument tout, qu'elle est panoptique comme ça, c'est pas vrai. Mais c'est le quatrième arbitre qui a vu ça et qui a informé l'arbitre central de la main de Zidane. Et c'est pour ça qu'il a pu être expulsé. Mais il a été expulsé, je dirais, par la télévision. Et ça, c'est quelque chose d'absolument illégal pour le coup. Ben, c'était totalement illégal. Mais la FIFA ne l'a jamais reconnu puisque c'était illégal. Mais alors, Aujourd'hui, donc, vous avez un arbitre et des garants. Est-ce que ça n'est pas, en quelque sorte, beaucoup plus pratique? Là, pour le coup, s'il y avait une aventure semblable ou une mésaventure semblable au coup de boule de Zidane, là, pour le coup, on n'aurait plus de problèmes légaux. Si on a mis en place globalement un système d'arbitrage vidéo qui fonctionne, ce qui, je le répète, n'est pas le cas, malgré les expérimentations dans plein de pays, si on avait un système d'arbitrage vidéo qui fonctionnerait sur ce cas-là, et si on avait l'image, parce que mais encore aujourd'hui, on serait pas sûr de l'avoir, cette image, parce qu'il y avait une chance sur 10 à peu près, ou 9, qu'on ait l'image de cette action, puisque c'était hors champ, donc c'était pas filmé par les caméras principales. Donc là, effectivement, ça pourrait servir. Mais sinon, les assistants des VAR, ils sont devant des images. Et en plus, que ce soit en Allemagne, par exemple, pendant la Coupe du Monde, ils sont même pas dans le stade, dans l'enceinte du stade. Ils sont à l'autre bout du pays. Ils étaient à Moscou, tous rassemblés. Et en Pourquoi Allemagne, ils sont à Cologne. Pourquoi ? Pour des raisons de rentabilité, parce que c'est plus pratique, parce que techniquement, ça fonctionne probablement plus facilement. Et voilà. Mais ces assistants, ils doivent se bagarrer avec les interprétations d'images en permanence. Bah, c'est leur métier. Et les images se contredisent. C'est-à-dire que vous avez des images qui se contredisent. Vous avez un ralenti qui va dire blanc, un autre ralenti qui va dire noir, et le troisième qui va rien dire. Autrement dit, le VAR assistant, il est toujours tenté d'intervenir ou de pas intervenir. Et selon qu'il intervient trop ou pas assez, il se fait engueuler. Bon, mais Jacques Blosiszewski, il y a eu un vrai tournant en 2009 avec la main de Thierry Henry. Il y a eu une polémique nationale. Notre camarade Alain Finkielkraut avait lui aussi pris la parole, comme d'autres intellectuels politiques. Et c'est là où on s'est dit, bah, il faut un arbitrage vidéo. Bah, c'est que le problème, c'est que les intellectuels français se sont pas illustrés par leur qualité. Hein. Ils ont surtout utilisé la possibilité que leur temps de volontiers les médias de s'exprimer sur n'importe quoi. Bon, c'est ça le problème. C'est que ce soit Attali. Sauf Alain Finkielkraut, hein, notre camarade. Oui, mais Finkielkraut, je lui ai envoyé un beau dossier, il m'a jamais répondu, vous voyez, comme quoi le débat, hein. Bon. Donc, c'est pas parce qu'on est un intellectuel connu, réputé, qu'on peut dire des choses sur n'importe quoi. Non, hein c'est de fait. Mais sur la volonté que tous ces gens-là ont eue de dire, ben voilà, c'est la preuve qu'il faut mettre en place un arbitrage vidéo. Oui, mais c'est pas parce qu'ils l'ont dit que c'est vrai. Et l'arbitrage vidéo, ben ça y est, voilà, il est en place maintenant. Et ben on voit que ça marche pas. Pourquoi tous ces gens-là, alors, se sont trompés Parce que c'est des lieux communs, ça. Les lieux communs, ça frappe aussi les intellectuels. Hein. Ils sont pas à l'abri de ça. Ils peuvent aussi répéter des choses qui sont dites depuis 50 ans ou depuis 15 siècles et que sur lesquelles personne réfléchit vraiment. Des choses se répètent indéfiniment. Et alors, aujourd'hui, donc, l'arbitrage vidéo, il est mis en place avec donc les problèmes que vous soulevez. Oui. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Bah, la FIFA va jamais, et l'UEFA, parce que maintenant l'UEFA, l'Union Européenne de Foot, va aussi adopter le système. C'est déjà fait en Ligue des Champions. D'ailleurs, ça a commencé par une catastrophe avec PSG et Manchester. Vous voyez, quelle catastrophe ? Racontez-nous. Bah, parce que je vous dis, le PSG a été éliminé par la VAR. Voilà. Parce qu'un arbitre n'aurait jamais sifflé pénalty sur la soi-disant main de Kimpembe. Vous voyez, jamais. Donc c'est cette espèce de manie d'aller chercher partout, dans les moindres recoins, quelque chose qui peut être vu, qui entraîne des choses complètement folles, quoi. Alors, je dis pas que le PSG méritait de se qualifier, mais ils ont été sortis par la VAR. Et il y a des gros doutes aussi sur Barcelone-Lyon, où Barcelone était nettement supérieur, mais il y a eu aussi un cas extrêmement litigieux. Puis je vous ai parlé de France-Croatie pendant la Coupe du Monde, donc vous voyez, il y a plein de problèmes. Et alors donc, la FIFA et l'UEFA ne vont jamais vouloir revenir en arrière. Parce qu'elles ne savent pas faire ça, elles n'ont pas envie de faire ça. Gianni Infantino a dit, Inch'Allah, il faut la VAR, on aura la VAR. Donc il ne va jamais dire, maintenant, on va revenir en arrière. Qu'est-ce que vous préconisez, du coup, vous, Jacques Blosiszewski, puisque vous avez écrit comment la FIFA tue le foot avec l'arbitrage vidéo aux éditions de Lara? Ben, moi, je dirais qu'il faudrait avoir le courage de reconnaître qu'on s'est trompé. Il faudrait que la FIFA dise, au bout de quelques temps... D'ailleurs, elle aurait pu le dire très vite, puisque les tests qu'elle avait elle-même décidés étaient mauvais. Donc, notamment en Allemagne, où c'était un véritable désastre. Ils sont dans leur deuxième année de VAR. Ça se passe très, très mal en Allemagne. Bon. Ça ne s'est pas si bien passé que ça à la Coupe du Monde, malgré ce que beaucoup de gens disent. Puis, maintenant, il faut 13 personnes pour arbitrer un match. Vous voyez, hein, il faut des écrans partout. Ça devient d'une lourdeur absolument incroyable. Alors en plus, ça va agrandir le fossé entre le football amateur et le football professionnel. Mais c'est plus un fossé, maintenant c'est un gouffre. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des techniques, des technologies dont jamais le football amateur ne verra la couleur. Et même la fédération islandaise ou portugaise, ils le verront pas avant des décennies, ça. Donc ça introduit encore plus d'inégalités, si vous voulez. Et oui, parce que, en fait, là, pour le coup, c'est une technique qui demande un budget extrêmement important. Bah, bien sûr. Bien sûr. Ce sont des très hautes technologies, quand même. C'est des technologies de l'image, mais ça demande de très grosses équipes. Hein. Beaucoup plus d'arbitres, beaucoup plus d'assistants, beaucoup plus de techniciens, etc. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à ajouter, Jacques Blosiewski, contre le VAR ? Oui, je trouve que c'est un exemple extraordinaire de comment on peut prendre des décisions risquées sans s'assurer de suffisamment de garanties. Je pense que on était 3 ou 4, Michel Platini par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'il disait Platini ? Bah, il était absolument contre. Moi, je suis complètement d'accord avec Platini. Maintenant, il a été évacué du système. Bon. Pour des raisons financières, bon, mais il était totalement contre la vidéo. Bon. Jérôme Latta, des cahiers de football, ça fait 20 ans qu'on est contre. Hein. Bon. Donc, je trouve qu'il y a des décisions qui devraient être un peu plus réfléchies. On devrait écouter davantage les gens qui travaillent sérieusement sur le sujet et qui ne sont pas obnubilés par le prestige, le pouvoir, etc. Des gens qui connaissent. Hein. Et il y a un livre que j'adore, je voudrais peut-être terminer là-dessus, c'est un livre qui s'appelle « Les décisions absurdes ». D'un sociologue qui s'appelle Christian Morel, et il liste tous les mécanismes des décisions, voir comment des décisions catastrophiques peuvent être prises par une succession d'erreurs à tous les niveaux. C'est comme ça que la navette Challenger en 1986 a explosé en tuant 7 cosmonautes. Christian Morel est l'une des icônes de cette émission voilà. Superfell, donc évidemment on abonde dans votre sens. Mais alors, si on vous suit, Jacques Blosiewski, pourquoi les joueurs et les arbitres ne militent-ils pas en faveur de l'abrogation de la VAR ? Ils devraient, mais alors il y a eu des sondages qui ont été faits en Allemagne, les joueurs de la Bundesliga par exemple, ils sont contre. Au bout d'un an, on a fait un sondage, ils étaient de peu contre, mais ils étaient contre. Donc, ils savent de quoi ils parlent quand même, ils le vivent. Alors, les arbitres, c'est plus compliqué parce que les arbitres, ils ont l'impression que ça leur donne une forme de confort, si vous voulez. Ils peuvent se reposer sur quelque chose, ça les déresponsabilise. Mais le problème, c'est que si vous êtes déresponsabilisé quand vous êtes arbitre, vous n'êtes plus arbitre. Parce qu'un arbitre, il est là pour décider, justement. Il n'est pas là pour se décharger sur les images et donner le pouvoir à la télévision. Merci beaucoup Jacques Blosiewski, Arbitrage vidéo, comment la FIFA tue le foot, c'est votre livre publié aux éditions de Lara. Superfell a été déglingué par Daphné Abgral à la production, saccagé par Emmanuel Morse d'Incan à la technique et surtout ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.